Galerie Ouest, à 3/4 de Wichita. Des rats, deux rats immenses, grossiers, aux poils gras et luisants, aux yeux rougevoyants, aux crocs aussi pointus qu'un stalactite. Deux rats se tenaient derrière Mila, et les creuseurs de la galerie ouest couraient à perdre haleine vers leur chariot pour prendre la fuite. Mademoiselle Mila, ne vous retournez pas! Les gardes du corps ne faisaient que gueuler, ils ne bougeaient pas, et derrière elle se dressaient deux rats immenses. Mila s'est tout de même retournée. Mais ça va pas baver derrière mon dos, toi! Mila, je vous déconseille de le prendre comme ça. Est-ce comme cela que votre mère vous a élevé, jeune homme? Oh, je sais qu'il est dur de creuser ici. Encore plus quand on n'est pas un baïfouichi, mais... Mila, ce rat ne creuse pas avec nous! Ah, mais alors, avec qui il creuse? Les rats se sont échangés un regard interloqué. L'un d'eux a levé une immense patte griffue et ses doigts se sont refermés sur lui. Les rats se sont mis à courir dans la galerie, frappant, griffant, mordant des gnomes au passage. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Je repensais aux paroles des persévères, des rats par milliers. L'un d'eux emportait Mila dans sa patte et personne ne bougeait. Les gardes du corps de Mila ont échangé un regard. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez pas aider Mila? C'est votre boulot, non? Hé, les molosses, il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide. Vous croyez? Parce que moi, j'en suis pas si sûr, finalement. C'était pas dans notre contrat. On a qu'à faire les morts. Ouais, bonne idée. Oh, mon cœur. Et ils sont tombés tous les deux à terre. Les blaireaux. Squeak. Le rat, il se cache tout. Les rats sautaient sur les pelleteuses, les retournaient comme des crêpes, écrasaient des gnomes, en croquaient d'autres, sans que personne n'agisse. À part Morirti, et quelques-uns se dressaient sur un camion marteau-piqueur en main. Allez les gars, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Ça me rappelle la guerre des tranchées. Ah, oh, j'étais plus jeune. Approche, petit raton. On va venir, chouchou. Cinq creuseurs, cinq ridicules petits baïfouich se sont jetés sur un des rats. Et des pioches, des marteaux-piqueurs ont attaqué le rongeur sur le dos à une vitesse vertigineuse, tant la colère décuplait leur force. Quand il a vu son congénère mis à terre, l'autre rat s'était lancé vers un tunnel, avec dans sa main Mila. Buzz, au chariot, vite! Quoi? Tu veux les suivre? Y'a personne qui le fait, non? Je crois pas qu'ils nous aient filé rancœur. Grimpe dans le chariot. Mais tu sais où ce rat il mène? C'est la ligne 358, et elle est pas finie, Squeak. Elle traverse les gouffres. Près de Wish City, une grande faille blessait la terre, et quelqu'un avait eu la bonne idée de la traverser en de multiples endroits par une ligne de chemin de fer aérienne. Peu s'y risquait, sauf le rat et nous. T'as peur? Non, et toi? Pas du tout. La vitesse. Dans un tunnel, c'est affolant comme la vitesse vous fait battre le cœur aussi vite qu'un marteau-piqueur frappe la pierre. Je conduisais le chariot comme je pouvais sur des rails rouillés par le temps, des rails peu utilisés d'habitude. Et le tunnel semblait se tordre. Au loin, la silhouette du rat est dans une de ses pattes avant, Mila. Lâche-moi! Lâche-moi! Ta gueule! Oh, tu pues de la bouche! J'ai une infection! Votre mère vous a jamais appris l'hygiène dentaire? Je la vois là-bas! Booz s'est emparé d'une pioche. Tu comptes faire quoi avec ça? Je sais pas, mais on verra bien. Nous nous rapprochions d'eux. Le rat courait sur l'une des parois à l'horizontale. Les rails suivaient une ligne de plus en plus tortueuse. Les tunnels se firent plus larges et... les gouffres. Enfin, rougeoyant de mille feux, des flammes jaillissantes, des geysers de lave. Et au-dessus de tout ça, une ligne de chemin de fer bancale retenue par de frêles piliers accrochés sur les parois. Ça va vite! C'est drôle! Encore! Ta gueule! Je me concentre! C'est dur à conduire ce truc! Faudrait pas qu'on déraille! Oh non, faudrait mieux pas pour toi! Nous approchions du rail. Il a jeté un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Mila! Squeak! Ça va? Oui! Et vous? Ça se coule! Votre main! Tendez votre main! Le rat courait sur la paroi en perdre haleine. Une fine langue rose pendait entre ses crocs. Il nous jetait de brefs regards inquiets. Nous étions enfin à sa hauteur. Lui sur la paroi, nous sur des rails branlants. Et en face... Mila, tendez votre main! J'arrive pas à attraper la bouche! Squeak! En face... Squeak! Il y a plus de rails! Squeak. Bye, Fouiche.